Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans mes baskets. De quoi on va parler aujourd'hui ? De travail. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis retournée au travail après presque un peu plus de 2 semaines de vacances hier. Donc, retour au travail et un retour avec quelques petits changements. Parce qu'en fait, avant de partir en vacances, il y a eu un poste qui s'était libéré, on va dire, pour passer sur un autre service. Alors, si vous n'avez pas écouté mon précédent épisode où je parlais de mon travail et d'à quel point j'aime ce que je fais, j'expliquais aussi que, en fait, je ne peux pas trop parler de ce que je fais. Pour des raisons de pacte, de je sais même pas comment on appelle ça, enfin bref, je peux pas trop dire ce que je fais. Sachez juste que je travaille dans un centre d'appel, je suis manager dans ce centre d'appel, donc je suis manager d'une équipe. On s'occupe d'une marque qui fait des produits technologiques et on donne l'assistance donc pour cette marque. J'étais donc précédemment sur le service qui s'occupe d'une partie des produits de cette marque et qui donnait assistance par téléphone. Donc les clients appellent, on leur fournissait l'assistance. Et là en fait, depuis hier, officiellement à partir de lundi, je suis toujours manager, toujours pour la même marque, les mêmes produits, mais cette fois-ci d'une équipe qui fournit l'assistance par chat. Vous savez qu'il y a énormément de marques depuis quelques années qui donnent la possibilité de chatter avec des techniciens. Alors non, c'est pas des bots, pas partout. En tout cas, chez nous, ce n'est pas des bots du tout. Vous parlez avec une réelle personne derrière un écran. Et du coup, je vais faire partie de ce service. Alors, qu'est-ce qui change pour moi ? Mes collègues directs et mon manager direct a changé. Le travail est le même si c'est un petit peu différent parce que forcément, les clients qui nous contactent par chat ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui nous appellent. Notre façon de faire le travail n'est pas exactement la même que celle qu'on utilise pour parler. Le langage n'est pas le même, enfin la façon de communiquer avec le client n'est pas la même. Et du coup le travail du manager aussi change parce que quand on doit vérifier le travail des opérateurs, des techniciens, c'est pas la même chose d'écouter un appel que de lire le chat et tout. Donc voilà, je suis contente de ce changement, c'est quelque chose que j'avais demandé parce que j'avais envie de changer un petit peu, parce que j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Il y avait quelques personnes avec qui, c'est pas que je m'entendais pas bien, mais j'aimais pas trop leur façon de travailler. Donc du coup là, je repars, on va dire, sur de nouvelles bases. Ma manager directe, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'appréciais aussi énormément l'autre personne avec qui je travaillais. Ils ont deux modes de travailler assez différents, mais je m'adapte assez facilement. Et puis moi, vous savez, tant qu'une personne fait son travail sérieusement, il n'y a pas de souci. Donc c'était la petite nouveauté. Du coup, hier on était jeudi, aujourd'hui vendredi, je travaille aussi demain. Ces 3 jours, je les passe à m'acclimater, à voir quelles sont les différences entre les deux services. Et à partir de lundi, je saurai quelles sont les personnes que j'aurai dans mon équipe. Et c'est plutôt cool comme changement. Je dois vous dire sincèrement, c'est pas quelque chose à laquelle je pensais il y a à peu près un an, parce que le service par chat, c'est toujours un petit peu particulier. C'est pas facile de faire comprendre le ton d'une phrase ou l'état d'esprit avec des mots écrits, c'est beaucoup plus facile avec le ton de la voix. Mais en même temps, c'est un défi à relever. J'avais déjà fait moi-même l'assistance par chat. J'avais participé un petit peu à donner cette assistance par chat. Et je dois vous dire sincèrement que pour moi, qui peut sembler froide de prime abord, eh ben, par chat, c'était extrêmement compliqué. En sachant qu'on ne peut pas utiliser des smileys, des cœurs et tout. Voilà, c'était assez compliqué pour moi en tant qu'opératrice de faire ça. Mais voilà, en tant que manager, je vais faire mon travail comme je l'ai toujours fait. J'ai eu des compliments de mon ancien manager. Et ça faisait 2 ans qu'on travaillait ensemble. Il est content que je change un petit peu. En même temps, il m'a dit qu'il était un petit peu triste de me perdre. Des gens qui restent pas dans leur voix, pourquoi? Enfin bref, voilà, c'était tout. Donc je travaille toujours demain, j'aurai juste dimanche de libre. Ce petit retour au travail après près de 20 jours à la maison, c'était un petit peu traumatisant, je dois l'avouer. Là, le réveil à 6h, ça pique. Demain le réveil ce sera 5h, ça piquera encore plus, mais bon, il faut bien travailler un petit peu pour pouvoir vivre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. J'oubliais, si vous entendez cet épisode, mais vous n'aviez pas le précédent, qui était en fait un coup de gueule contre l'application Opinion, c'est que vous n'avez pas le bon flux. Vous retrouverez le flux correct pour avoir tous les épisodes dans les notes de cette émission. Et vous me retrouvez aussi sur Twitter, @fr_jess, sur Instagram le même pseudo, ou sur le Discord des Streetcasters. À très bientôt. Ciao, ciao.